2019, oh, ok, Cyrano, ok. Tu veux salir mon art? Ok, check. On reste droit, malgré la vie qu'on a, car les amis se font rares et peu d'admis sont là. Ma plume grandit, ajoute l'alcool dans sa limonade. Cyrano, juste pour mon nom, je veux pas salir mon art. Moi je veux préparer des CD, réparer mon CV. Faudrait arrêter la guerre, fumer des pétards et s'aimer. Les gens sont tarés, c'est dur de parler sérieux. Certains voudraient salir mon art, pourtant c'est des chansons carrées. C'est parents dans ma tête, mais je suis pas un garçon vénère. Quand ta mère te laisse faire, mais que t'as un daron sévère. Mais comment faire quand t'as besoin d'air? Faire le vide avec un 16 et un ou deux joints d'herbe. J'avoue je flanche, à court de sens. Apparemment encore une fois c'est pas mon jour de chance. Dans ma tête c'est un peu comme dans ma chambre. Bouge plus comme si j'avais une tonne dans la jambe. Je connais pas la théorie, mais je tente de comprendre l'action. J'ai foiré à l'école, dû au manque de concentration. Les gens sont là, pourtant moi je vois personne. Comme si j'étais dans la lune, à chaque fois que mon téléphone sonne. On reste droit, malgré la vie qu'on a. Car les amis sont rares, et peu d'admis sont là. Ma plume grandit, ajoute l'alcool dans sa limonade. Cyrano, juste pour mon nom, je peux pas salir mon art. On reste droit, malgré la vie qu'on a. Car les amis sont rares, et peu d'admis sont là. Ma plume grandit, ajoute l'alcool dans sa limonade. Le sillonneur, juste pour mon nom, je peux pas salir mon art. Je rends pas au canular, je rêve de sang un peu comme Dracula. Depuis que la réussite ne s'obtient qu'à l'aide d'un anus large. Car rien date cul sale, et puis des sales cul de sac. Comment j'accuse ça, caché sous ma capuche Nike. Alors j'allume un joint et j'écris l'espace d'une taf. Pour réussir, même assis dans la merde, je pèse pas le futal. Ma rime est violente, imagine les dégâts d'une page. J'essaye d'être calme, c'est dur d'entendre, fais gaffe tu craques. Faut rester cool, l'éthique m'a dit faut que tu le saches petit gars. Ma plume me donne des ailes mais je redoute l'atterrissage. Dis car à l'heure où pour un pète regard, on pète le cartilage. Moi je connais bien mon but car en fait je suis parti de là. Voilà où on en est, je me répète c'est pas si grave. Je veux écrire la plus belle lettre tel un poète calligraphe. Dur d'avoir confiance, appelle-moi Cyrano l'amiral. Tu veux savoir je veux aller où? N'importe où ça m'ira. On reste droit, malgré la vie qu'on a. Car les amis sont rares et peu d'admis sont là. Ma plume grandit, ajoute l'alcool dans sa limonade. Cyrano, juste pour mon nom, je peux pas salir mon art. On reste droit, malgré la vie qu'on a. Car les amis sont rares et peu d'admis sont là. Ma plume grandit, ajoute l'alcool dans sa limonade. Le sillonneur, juste pour mon nom, je peux pas salir mon art. Viens pas salir mon art, ok. Le sillonneur, ma tête me joue des tours, donc je me fie au cœur. J'remplis mes feuilles et je fume des spliffs. J'avoue, y'a rien de mieux pour que ma plume respire. Il me faut des thunes de spi pour faire un projet carré. On passe la nuit à écrire et fumer comme des tarés. Ma vie s'en fume, mais en vrai, Marie s'en fout. Perdu d'avance, un peu comme un mari sans sou. C'est ma folie, en 8 mesures signée par mon euphorie. Je dois voir les potes partis comme si je fumais de l'euphorie. Ma plume a besoin d'aide et le TH est favori. Je veux pas salir mon art car j'ai plus que ça qui me valorise. J'ai des regrets, aucun avec lequel pardon rime. Protège en bas ton cou si t'arrives pas à courir à mon rythme. Ça pue trop la défonce dans mon paquet d'Arizona. Cyrano, je passe un savon à ceux qui ont sali mon art. On reste droit, malgré la vie qu'on a. Car les amis sont rares et peu d'admis sont là. Ma plume grandit, ajoute l'alcool dans sa limonade. Cyrano, juste pour mon nom, je peux pas salir mon art. On reste droit, malgré la vie qu'on a. Car les amis sont rares et peu d'admis sont là. Ma plume grandit, ajoute l'alcool dans sa limonade. Le sillonneur, juste pour mon nom, je peux pas salir mon art.